Israël ne peut, ne fait que se défendre. Israël yé et qu'on a combattu à tout le boulot yaki. Et il cherche à récupérer ses territoires. Na et qu'on a tafuta à nyanganye kipande yake. C'est vrai frère. Yakoeri nduku. C'est vrai ma sœur. Yakoeri dada yangu. Ils font tout cela contre Israël. Pourquoi? Ben afanya le hôte njoa Israël njoa nini? Ils ne comprennent pas. Ni kusudi abaya elewe. Ils n'ont jamais reçu la révélation. Na abaya pokea ka ufunuo. A de dessein de l'Éternel sur Israël. Ya makusudi wa milele huyu ya Israël. Ils sont dans l'ignorance. Beko mukosa kujua. Oui bien-aimé frère. Ndio ndugu na mpendwa. Ils ne comprennent pas. Abaya elewe. Que Israël. Ya kwamba Israël est un pays de Dieu. Ni taifa ya Mungu. Son peuple. Taifa yake. Est un peuple d'alliance avec le Seigneur. Taifa yenye inashafanya agano na Bwana. Ce que Dieu fait avec Israël. Kile Mungu anafanya na Israeli. Et comment Dieu protège Israël? Na namna kani Mungu ona kinga Israeli. Il ne peut jamais le faire avec une autre nation. Awezi kuifanya mule namna na taifa ingine. Tout le monde ne comprend pas que c'est la nation israélite et la seule nation sainte de Dieu. Ils ne comprennent pas cela. Qu'Israël marche avec le plan de Dieu. Dans Psaume 83, Zaburi makumi nane na tatu. Psaume 83. Zaburi makumi nane na tatu. Dans son verset 1 à 6. Taka kwanza na sita. Oh Dieu. Oh Mungu. Ne reste pas dans le silence. Pana kubakia kimya. Ne t'étais pas. Pana kutukala kimya kufunga kinywa. Et ne te repose pas, oh Dieu. Na usipate kupumzika oh Mungu. Kwani? Voici tes ennemis s'agitent. Tazama baadu yako bwa babeko na tingizika bena. Tout celui qui se fait ennemi d'Israël. Ule wote wanajifanya kuwa adui wa Israeli. Se fait automatiquement ennemi de Dieu. Ni paka pale anajitangaza kuwa adui ya Mungu. C'est pourquoi vous m'avez toujours entendu dire. Tukomana mnaishikami kusema. Ne dites jamais un mot contre Israël. Ushipime kusema ata musemo mwa mubaya kwa Israeli. Aujourd'hui ici. Ata leo hii. Si Israël. Kama Israeli. Tuwe 2000 Palestiniens. Anaua ba Palestiniens 2000. Palestiniens. Anaua 10000 Palestiniens. Ne dites rien contre Israël. Funga kinywa ushisebe kibaya kwa Israeli. Celui qui bénit Israël. Ula na bariki Israeli. Il est béni. Ni kusema kumbarikiwa. Celui qui maudit Israël. Ula talani Israeli. Sa malédiction lui retourne. Ne dites jamais quelque chose contre un oint de l'Éternel. N'haïssez jamais dans votre cœur. C'est lui que Dieu a élu. Ule mutu Mungu c'est lui que Dieu a aimé. Ule Mungu Mungu c'est lui qui est protégé par Dieu. Ule mutu Mungu anapenda na yuko na kinga. Sinon, vous verrez Dieu sur votre chemin. Ushikamseme yake ibaya sababu unaweza kumuona Mungu mnjia. Toutes les nations. Mataifa yote. Même dans l'histoire. Hata mwadisi. Depuis qu'Israël existe. Tangia Israeli kwa. Ils ont cherché à s'opposer de lui. Bale batu wapenda kumukombanisha. Ils en ont eu pour leur compte. Baripata juu yabo. C'est vrai, frère. Bien quoi l'induku. Car voici tes ennemis s'agitent. Antazama badui bwa babena tingizika. Ceux qui taïssent lèvent la tête. Alebe ona uchukia bena musha bichwa yabo. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Beko na tunga kwa taifa yako mama pumoa ya bujanja mingi. Même dans les traités internationaux. Ata mwile mwekalaka matraite ya mataifa. Dans les alliances internationales. Umagano ili banezi kunga mataifa. Ka les gens négocient avec Israël. Wakati munafanya matraite muna negocie na Israeli. Ils le font par hypocrisie. Banekala mkufanya na unafiki. Il y a trop de ruses. Mwekalaka bujanja bwa mingi.